alors que j'étais bien. Elle est venue, m'a dit viens. Et si tu veux pas vivre, tu ferais mieux de me suivre. J'aurais dû me méfier, elle était pas pareille que les filles du quartier. Elle était bien trop belle. Je suis retrouvé en ville, la fumée, les dîners. J'étais pas dans le style, pas assez cultivé. Elle a sûrement me rendre fou. Elle a sûrement me rendre fou. Parce que j'aime trop le vent et j'aime trop la neige. Parce que j'aime trop. C'est plutôt l'été, moi complètement l'hiver. Ça pouvait plus durer. Je descends du manège, maintenant j'en ai assez. Je m'évadais du piège, je veux enfin respirer. Je peux plus rester près d'elle, je veux l'air pur des glaciers. Elle a sûrement.